Le Centre d'études des problèmes internationaux de la République populaire démocratique de Corée a publié le 15 le Livre blanc des droits de l'homme aux États-Unis en 2016. Le Livre blanc stipule que les États-Unis, premier pays criminel des droits de l'homme, perpètrent des interventions cruelles en mettant en cause la situation des droits de l'homme dans d'autres pays, comme s'ils sont juges en la matière au niveau international. Ils couvrent leur situation pitoyable, soulevant l'indignation du monde entier, et dénature le vrai en fond en accusant les droits de l'homme d'autrui. C'est une falsification grossière des droits de l'homme authentiques et un défi intolérable contre la justice et la conscience internationale. Dans le chapitre 1, la nature contre les droits de l'homme du régime politique américain vu par les élections régies par la puissance de l'argent. 2. Ton droit des droits de l'homme dépourvu même des droits élémentaires de l'homme. 3. Premier royaume criminel dominé par les crimes des armes à feu. Et 4. Discrimination raciale institutionnelle visant la suppression des autres races. Le Livre blanc dénonce la situation pitoyable des droits de l'homme aux États-Unis, plein de vices sociaux. Il a souligné que l'opinion publique internationale équitable doit condamner comme il faut les États-Unis en sachant correctement la nature cruelle du premier pays de la violation des droits de l'homme, premier ton droit des droits de l'homme dans le monde, et l'essence des propos mensongers en la matière.